cette chanson-là. Tu ne l'entendras pas tout de suite, mais sois certaine qu'elle te rattrapera. Quel que soit l'endroit de ta fuite, tu la prendras pour toi. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson-là remontera nos années passées. Ce temps, hélas, qu'on ne retrouve pas. Tu l'entendras en plein oubli, 3 minutes dans ta vie. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Elle te racontera ma lettre, celle que je ne t'ai pas envoyée, parce qu'une lettre ne dit jamais ce qu'on ressent comme on voudrait. C'est pour ça que j'ai fait cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson-là, elle fera naître une émotion, bonheur que tu n'as jamais ressenti. Il y a une vie après ta vie, c'est tout ce qu'elle t'aura dit. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson-là, tu ne la comprendras pas tout de suite. Elle aura l'air de ne pas parler de toi. Une histoire d'amour non écrite, une fin qui n'en est pas. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson, cette chanson, cette chanson-là. Cette chanson, cette chanson, cette chanson.